Salut à toutes, bienvenue dans l'essentiel, votre émission culturelle. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais nous ne sommes plus diffusés le jeudi soir. En effet, il y a quelques émissions nouvelles qui vont arriver sur nos antennes, que vous allez écouter normalement dès la semaine prochaine. Alors ici, on est un peu dans une émission de transition, le temps de mettre en place le reste. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de séries, puisque depuis quelques années, c'est un peu la folie des séries qui ont même un peu éclipsé le cinéma, le grand écran. Et je voulais vous parler aujourd'hui de bonnes séries, évidemment, des séries qui, à mon avis, méritent d'être connues, mais en plus des séries qui ont des génériques qui, eux aussi, méritent d'être connues. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter sept génériques de séries qui valent le coup. C'est l'essentiel, c'est parti. Non essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non essentiel. Jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renault sur certaines chansons. Connard de virus. Et on va commencer avec peut-être le plus connu des génériques finalement de cette sélection, puisque c'est Westworld, série de Jonathan Nolan, qui est le frère donc de Christopher Nolan, qui est scénariste, qui est donc une série remake, peut-être on pourrait dire, du film Monde Ouest, qui est sorti dans les années 70, un film de science-fiction, dans lequel on est dans un parc futuriste, mais qui a une thématique d'Ouest, quoi, de Ouest américain, et où tous les personnages, à part les invités évidemment, sont tous des robots. Donc cette série va suivre un peu les pérégrinations à la fois de quelques robots qui prennent conscience de ça, puisque évidemment les robots, normalement, ont une intelligence artificielle qui leur permet pas de prendre conscience qu'ils sont complètement... virtuel, et donc de quelques humains aussi en parallèle, et de voir comment est-ce que tout ça va certainement s'effondrer. C'est quelque chose qu'on remarque très vite. Voilà, on va écouter ce premier générique. C'est Ramin Djawadi, que vous connaissez peut-être pour la composition du générique de Game of Thrones, qui a aussi écrit celui-là, qui est quand même très très différent de celui de Game of Thrones. Voilà, qui est une petite base au piano qui est une montée assez simple à partir d'une espèce de boucle. Et il faut savoir aussi que pour la série, il n'a pas composé, il a réarrangé des chansons modernes de Radiohead, des Rolling Stones, Nine Inch Nails par exemple, mais en version, vous savez, piano de bar, celui qui généralement se fait écrouler à peu près au milieu de l'album de Luke Luke. Voilà, c'est des versions aussi assez intéressantes que vous pourrez aller écouter ensuite sur Internet. Pour l'instant, c'est donc le générique de Westworld, composé par Ramin Djawadi. Voilà, c'est une série qui est sortie en 2016, je crois, ou 2017. Qui compte 3 saisons. Voilà, une très bonne série. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons et que pour moi, la 3e s'écroule un peu. C'est une 3e saison qui est très différente, qui est volontairement très différente, puisqu'elle se passe en dehors du parc, alors que la première saison et la majorité de la seconde se passent vraiment à l'intérieur du parc, donc de Westworld. Voilà, je vous laisse avec ce générique par Ramin Djawadi. Thank you. Le générique de Westworld par Ramin Djawadi, voilà, une série de science-fiction autour de l'intelligence artificielle, des luttes de pouvoir, de philosophie également. Voilà, c'est vraiment une très très bonne série, je vous la conseille. On va passer tout de suite à une série française cette fois-ci, ça s'appelle Lazy Company. On s'éloigne vraiment de la science-fiction, puisque c'est une série comique, au départ en tout cas, qui va s'avérer de plus en plus profonde. Ce qui se déroule au cours de la Seconde Guerre mondiale, ça commence je crois en 1944, à la veille du débarquement. Et on va suivre, donc c'est une série française, mais on va suivre quand même des soldats américains qui sont complètement nuls, parmi lesquels par exemple Alban Lenoir, qu'on a pu voir dans Kaamelott d'ailleurs, qu'on voit dans le film, Kaamelott aussi. Voilà, c'est une série qui met un peu de temps à démarrer, je trouve, surtout au niveau de son humour, qui a un peu de mal à trouver sa place, mais qui au fur et à mesure va vraiment être à la fois très très drôle, puisqu'ils n'hésitent pas à aller vraiment contre tout ce qui s'est vraiment passé pendant la Seconde Guerre mondiale, a changé énormément de choses. On va y voir Hitler qui est complètement fou, mais débilement fou. Le général de Gaulle qui s'exprime extrêmement lentement, qui est chiant pour tout le monde. Et puis au fur et à mesure, les personnages vont s'étoffer, l'histoire va un peu se noircir, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, voilà, une histoire qui va se noircir. Et il y aura une très très bonne série que je vous conseille. Je sais que c'est sur OCS, il me semble que c'est sur Amazon, peut-être sur Netflix aussi. En tout cas, vous débrouillez, mais vous regardez cette série. 3 saisons qui, pour moi, sont à chaque fois meilleures que la précédente. Et donc, une musique aussi, même si un peu répétitive, puisque je pense que la musique a été créée avant la série et après ils ont dû piocher dans tous les morceaux, donc c'est souvent un peu les mêmes mélodies, etc., qui reviennent. Ça a été composé par Jean-Sébastien Vermal et Thomas Capot. Donc je dis que c'est un peu répétitif, cela dit, c'est de très très bonne qualité, même si c'est étrangement très très western. Comme musique, on va écouter le générique, enfin la version longue du générique, puisque le générique fait 1 minute à peu près dans la série, et là je crois que c'est un morceau de 6 minutes à peu près. Vous allez voir que c'est très western, mais ça marche étrangement avec ce côté un peu militaire, qu'est-ce clair tout ça. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse écouter ce morceau que j'adore, que j'ai écouté en boucle plutôt, il y a quelques années, et je vous conseille vraiment très très fortement cette série Lazy Company. Thank you. Lazy Company, donc une excellente série que je vous conseille vraiment. D'ailleurs, je crois que je vais la regarder. Ça m'a donné envie pour la, je sais pas, 5e ou 6e fois. C'est rentré très, très bien, puis ça fait plaisir d'avoir des séries françaises qui prennent des risques et qui réussissent vraiment très très bien à aller jusqu'au bout. Honnêtement, je la classe dans mes séries préférées avec Kaamelott, largement mes séries françaises préférées avec Kaamelott. Voilà, je vous la conseille, Lazy Company. Sous non essentiel. Pour ce troisième générique, on va aller en Angleterre, puisqu'on va parler de l'adaptation d'un roman qui était mon roman de chevet quand j'étais petit, À la croisée des mondes, que vous connaissez peut-être, donc de la trilogie de romans. Je dis trilogie, mais il me semble qu'il y a eu des suites depuis que je n'ai pas encore lu, mais qui apparemment sont très bien. Il y a eu une adaptation en 2007, si j'ai pas de bêtises, au cinéma avec Daniel Craig, entre autres, et qui, bon, on va pas se l'avouer, était assez décevante. Mais bon, là, ils ont décidé d'en faire une série, ce qui peut être une meilleure idée, hein, puisqu'on a plus de temps pour raconter l'histoire de cette trilogie. Une saison de 10 épisodes, je crois, par tome. Et donc, c'est une série qui est sortie en 2019, qui est donc une série britannique, adaptée des romans de Philip Pullman, et qui est, ma foi, excellente. Voilà, c'est une série que j'ai vraiment, vraiment apprécié regarder. Il me semble que je l'avais regardé pendant le premier confinement, puisque c'est sorti fin 2019. Donc le temps que ça se finisse, pendant le premier confinement, j'ai pu tout manger d'un coup. Et c'était vraiment très, très bien. Les acteurs sont excellents. J'ai un peu de mal avec celle qui joue Marisa Coulter, mais vous verrez, vous comprendrez peut-être pourquoi, si vous connaissez déjà les adaptations précédentes et les romans. L'actrice principale, Daphne Keane, que vous avez vu peut-être dans Logan, est parfaite dans ce rôle de jeune fille préadolescente rebelle dans un monde complètement fantastique, parce que oui, c'est de la fantasy avec des mondes parallèles, des monstres étranges, etc., mais une espèce de fantasy qui se déroulerait dans un univers un peu victorien. Voilà, c'est extrêmement bien foutu, et puis la musique est assez exceptionnelle. J'avoue que c'est une des rares séries sur lesquelles je ne jappe pas le générique, tellement il a compris toute la puissance de la série et tout ce que peut représenter cette immensité, puisque c'est quand même une grande fresque épique d'aventure vécue par des jeunes adolescents. Donc voilà, c'est Lorne Balfe, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a composé ce générique, a composé d'ailleurs la musique de toute la série. Voilà, vous connaissez peut-être pour The Crown, même si c'est Hans Zimmer qui a composé le thème principal de The Crown, c'est bien Lorne Balfe qui a composé toutes les autres musiques. Il faut savoir que c'est un des apprentis de Hans Zimmer, ça se ressent quelque peu d'ailleurs. Et voilà, je pense que vu la tonne de films qu'il fait en ce moment, vous avez déjà dû entendre quelques-unes de ses compositions de films et de quelques jeux vidéo aussi, des grosses machines. Bon, voilà, moi je vais vous laisser avec ce générique que j'aime vraiment, déjà évidemment pour la musique, mais aussi visuellement, qui représente assez bien ce qu'est cette trilogie. Voilà, À la croisée des mondes, le titre original c'est Is Dark Materials. Je crois que la série s'appelle Is Dark Materials, de point à la croisée des mondes. Bref, vous trouverez très facilement 2019. C'est parti. Thank you. À la croisée des mondes, donc, une série de 2019 qui, normalement, aura sa troisième et dernière saison en fin d'année, si je ne me trompe pas, ou peut-être que ça a été reporté à cause de la pandémie à 2022. Je vous conseille également les romans, hein, vraiment, peut-être pour les plus jeunes. Moi, je l'avais lu, j'avais quelque chose comme 10 ans. C'est devenu un de mes livres préférés instantanément et ça l'est toujours encore aujourd'hui. Donc voilà, Croisée des mondes, je vous déconseille peut-être la première adaptation au cinéma. Voilà, on va passer tout de suite au quatrième générique. Et pour ce générique, on va aller au Japon avec certainement l'animé le plus important des années 2010, puisqu'il s'agit de l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin en version originale. Voilà, si vous connaissez, vous saurez pourquoi j'adore ce générique. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est un manga qui se déroule dans un univers dystopique, on va dire, dans lequel l'humanité s'est retranchée entre des murs pour éviter l'attaque donc de Titans, et qui est particulièrement épique. Voilà, je vous conseille, c'est vrai que cette fois-ci aussi la série a un peu de mal à démarrer. La première saison, je trouve un peu lourdingue, mais à partir de la seconde et surtout la troisième, ça devient absolument excellent. Et puis 3-4, ça monte au niveau d'une intrigue de Game of Thrones. Il me semble que la saison 3 ou 4 sortait en même temps que la fin de Game of Thrones, et j'avoue avoir préféré largement regarder l'attaque des Titans que les dernières saisons de Game of Thrones. Question musique, c'est les génériques qui ont été composés par Linked Horizon, qui est donc un groupe japonais, que vous allez voir, ils font pas vraiment dans la demi-mesure. Il faut dire que l'anime est particulièrement grandiose, l'animation est absolument exceptionnelle, les scènes d'action sont dignes de générique, même dans la série, ce que personnellement je crois pas avoir déjà vu avant. Voilà, c'est vraiment un excellent manga. Si vous êtes pas trop animé, ben c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, même si encore une fois la première saison est un peu longue à démarrer. Une fois passé celle-là, vous verrez que ça démarre fort et que le retournement de situation et les scènes d'action sont absolument grandioses. Je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo que j'ai vue juste avant cette émission, qui est la version live des deux génériques qu'a composé Linked Horizon. Et où, voilà, la demi-mesure, ça n'existe pas là-bas. À côté, Hans Zimmer, c'est une petite merde. Voilà, c'est un groupe de rock plus une symphonie. Mélanger les deux avec... Je me demande si le public ne fait pas partie aussi du show, parce que c'est complètement... ils font... Même le public fait une espèce de chorégraphie. Le tout avec des effets spéciaux rajoutés par-dessus, parce que pourquoi pas, voilà, c'est vraiment pas dans la demi-mesure. Donc je vais vous laisser avec ce générique, qui est donc une chanson composée pour l'animé, mais qui est une chanson entière de 5 minutes 30, et qui a été coupée évidemment pour le générique, qui dure 1 minute 30, même si c'est vrai que les génériques de manga sont assez longs. Donc c'est Linked Horizon qui a composé ça pour la deuxième saison de l'attaque des Titans. Oh. れない化け物が人にたつらをしてやがる。この世から一匹残らず奴らを駆逐してやる。最初に言い出したのは誰か、そんなこと覚えちゃいないが、忘れられない怒りがある。必ず駆逐してやる。あ、選び食いだ道の先はどんな場所に繋がっている。ただ捧げられた命を勝手に探る。この悲願の地、約束の地は楽園の果て。 Voilà, c'était Linked Horizon pour la série L'Attaque des Titans qui en est à sa quatrième saison, la moitié de sa quatrième saison. On attend la fin pour 2022 qui sera la dernière en plus. Donc c'est vraiment le moment de vous y mettre. Et vraiment, la série est aussi épique que la chanson que vous venez d'écouter. Voilà, rien d'autre pour l'instant. On va passer à la suite. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. True Detective, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette série qui est une série anthologique, c'est-à-dire qu'elle comporte trois saisons et dans les trois, ce sont des personnages et une histoire différente qui est proposée. Je vais vous proposer moi le générique de la toute première saison avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Voilà, c'est une série créée par Nick Pizzolatto et la première saison a été réalisée par Cary Fukunaga, qu'on pourra retrouver sur la réalisation du prochain James Bond qui sort là bientôt, je crois. Et aussi de Maniac, une autre série extrêmement intéressante à regarder. Moi j'ai vu la version américaine de Maniac seulement, donc par Cary Fukunaga qui est vraiment très très bien. Apparemment la version originale qui est suédoise, si je ne dis pas de bêtises, est excellente aussi. Mais retour à True Detective, qui est donc une série, un thriller qui suit donc deux policiers et qui mène une enquête sur des meurtres assez étranges en plein milieu de, je ne sais pas exactement où c'est, peut-être le Mississippi ou quelque chose comme ça, au fin fond de la campagne américaine, avec beaucoup de mysticisme, etc. Sachant qu'en plus, les deux policiers, donc joués par Woody Harrelson et Matthew McConaughey, voilà, sont loin d'être des personnages lisses, qui s'entendent pas forcément très bien en plus entre eux, alors qu'ils sont très censés travailler ensemble. Tout ça donne une série absolument excellente. La première saison, en tout cas, est vraiment, vraiment exceptionnelle. Je n'ai pas vu la seconde, qui avait reçu des critiques un peu bonnes, et la troisième est vraiment très, très bien aussi. J'ai moins aimé que la première quand même, mais elle vaut carrément le coup d'être vue. Le générique que je vais vous proposer a été composé par The Handsome Family, qui est un groupe américain. Donc, je ne pense pas qu'il l'ait créé pour la série spécifiquement, tout comme d'ailleurs les génériques des deux autres saisons. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est étrangement calme pour l'ambiance de la série, qui est qui dans les temps très jeunes, déjà un peu cramé de l'Amérique, du Mississippi, ou c'est peut-être la Floride d'ailleurs, c'est très marécageux, mais qui est une série quand même assez noire, puisqu'il y a des crimes assez crado qui s'y déroulent. Voilà, c'est True Detective, saison 1, que je vous conseille évidemment fortement, comme toutes les autres séries dont on parle et dont on parlera dans cet épisode, The Handsome Family. From the dusty mesa, a looming shadow. Voilà, The Handsome Family pour la série True Detective, pour la saison 1 en tout cas, le générique de la saison 1 de True Detective. Je ne sais pas trop où on peut retrouver cette série, je ne suis à peu près sûr qu'elle est dans une des plateformes de streaming disponibles. Mais voilà, je vous laisse chercher True Detective si vous voulez un bon thriller policier avec un peu de mystère et quelques trucs un peu crado. Voilà, vous serez parfaitement servi avec True Detective. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Nous traversons un désastre. Et on va aller en Allemagne maintenant avec une des séries phares de Netflix. En tout cas, elle a fait grand bruit, en son lancement. C'est évidemment Dark. Et je me suis rendu compte, après l'avoir vu, que peu de gens autour de moi, finalement, l'avaient regardé aussi. Donc c'est une série qui se passe dans une petite ville allemande fictionnelle. Pendant 3 saisons, on va suivre l'histoire de leurs habitants. J'avais pour habitude de conseiller ça à mes amis en leur disant que c'est plus belle la vie, mais en bien. C'est un peu ça et c'est aussi beaucoup plus que ça. Voilà, j'ai pas trop envie de vouloir décrire cette série parce que elle est beaucoup basée sur son scénario, sur que retournement de situation, etc. Sachez juste que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que les gens à qui je l'ai conseillé l'ont aussi beaucoup aimée. Et c'est une série qui nous prend vraiment, vraiment au trip, vraiment à l'âme. Je vous conseille donc, on va écouter plutôt maintenant le générique de cette série, qui est une chanson de Apara, qui est un DJ allemand, chantée par Sopenskin, qui est une chanteuse autrichienne. Et donc la chanson s'appelle Goodbye. Alors, on a pu l'entendre apparemment dans d'autres séries que je n'ai pas vues, Skins et Breaking Bad, je crois. Et donc, ils en ont fait un générique pour cette série Dark. Je pense que, donc, de toute façon, le générique se fait lui-même pour que vous compreniez l'ambiance qui se dégage de cette série. C'est pas vraiment une série facile à regarder. Hein. C'est loin d'être une comédie ou une simple histoire de famille. Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Et bon, il faut s'accrocher aussi. Dites depuis le début que si vous voulez regarder cette série, et je vous conseille de le faire, accrochez-vous, essayez de comprendre qui est qui dans chaque famille, parce que bon, c'est assez complexe, et si vous voulez vous faire des tableaux pour savoir qui est l'enfant de qui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Cela dit, n'allez pas sur internet le faire, parce que évidemment, au fur et à mesure des saisons, on en apprend un peu plus et vous risquez de vous faire spoiler. Attendant, pour l'instant, on écoute cette chanson, donc générique de Dark, qui s'appelle Goodbye par Apara. Neither ever nor never goodbye. C'était donc Appara avec Goodbye, donc générique de la série Dark, que vous pouvez retrouver en totalité sur Netflix, donc 3 saisons qui ont la particularité d'avoir été écrites en tout cas pensées les 3 en même temps, donc une série extrêmement cohérente du début à la fin, ce qui fait vraiment plaisir à voir de nos jours. Et voilà, on va passer à la dernière série dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et on va partir sur la bonne grosse SF, puisque je vais vous parler de The Expanse, qui est peut-être la meilleure série de science-fiction, for the space opera en tout cas, que j'ai vu depuis Battlestar Galactica en 2004, que je vous conseille aussi, même si le format est un peu vieilli. Voilà, c'est une série, c'est simplement avec un gros mystère de science-fiction au milieu et des conflits géopolitiques entre la Terre et Mars et la ceinture d'astéroïdes par ailleurs, puisque ça se passe au 23e siècle. Le tout en restant extrêmement cohérent avec nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui, donc tout ce qui est voyage spatial, etc., est vraiment, sans être expliqué, est vraiment cohérent avec ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui de concrètement réalisable. Voilà, des acteurs excellents. Encore une fois, la première saison, je trouve un peu du mal à démarrer et on sent qu'elle est un peu, qu'elle manque un peu de moyens. C'était Sci-Fi à l'époque qui, pour les 3 premières saisons, je crois, produisait la série. Sci-Fi qui n'est pas une énorme chaîne de télévision, qui avait donc un budget assez limité, mais après son annulation, après la 3e saison ou la 4e saison peut-être, c'est Prime Video d'Amazon qui a repris la série et a injecté un peu plus d'argent et qui a complètement fait exploser la série. C'est vraiment une énorme tuerie. La saison 4 et 5 sont incroyables et on attend donc pour l'année prochaine, je crois, ou peut-être fin d'année encore une fois, la 6e et dernière saison de cette excellente série, voilà, qui mêle à chaque fois, qui mêle, comme je vous le disais, une intrigue vraiment très science-fiction avec des histoires très réalistes de géopolitique, de géopolitique spatiale, des batailles spatiales extrêmement réalistes. Encore une fois, c'est étrange de dire ça, mais si on demandait à des scientifiques aujourd'hui de réaliser une bataille spatiale, c'est certainement ça que ça ressemblerait. Voilà, c'est vraiment une très très bonne série, The Expanse donc, qui est pour moi la digne héritière de Battlestar Galactica, que je vous conseille également, qui est une série de 2004 qui est aussi dans Space Opera, qui parle d'énormément de sujets qui vont de la politique à la philosophie, à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est extrêmement, les deux séries sont extrêmement fournies, extrêmement bien fournies en thématiques diverses qui collent parfaitement à leur univers. Les deux ont des acteurs vraiment excellents. Et voilà, et pour ce qui est de la musique, c'est donc Clinton Shorter qui a composé toute la musique de The Expanse, et je viens de découvrir aussi qu'il a écrit la musique de District 9 de Neil Blomkamp, qui est un film exceptionnel aussi, que je vous conseille très fortement si vous aimez la bonne science-fiction intelligente. Voilà, je vous laisse avec ce dernier court générique, donc c'est The Expanse. Voilà, j'attends personnellement énormément la dernière saison de cette excellente série. Et quant aux autres, je vous conseille de voir toutes ces séries. Pour l'instant, on finit avec The Expanse. Voilà un très court générique d'une minute seulement, c'est The Expanse. Donc je conseille vraiment d'avoir série, en plus le générique est vraiment, vraiment bien foutu. On y voit des images comme des espèces d'images satellites de ce qui se passe sur Terre, sur Mars et sur la Lune entre aujourd'hui le 21e siècle et donc le 23e. Et toutes les, on voit Mars petit à petit s'illuminer, tout comme la Lune à cause des constructions humaines. On voit sur Terre les eaux monter et donc le changement de forme des continents. Voilà, je vais finir avec ça. Je vais juste vous rappeler les sept génériques qu'on a vus aujourd'hui, puisque je vous conseille fortement d'aller voir toutes ces séries. Westworld, donc, qui se passe dans un futur assez proche, dans un parc à thématique western avec des robots, donc qui va parler beaucoup d'intelligence artificielle, d'individualité, etc. Lazy Company, comédie française. Qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dis comédie, mais qui va avoir énormément de profondeur au fur et à mesure des épisodes et des saisons. À la croisée des mondes, fantastique. Fantastique, je veux dire, c'est le genre fantastique, même si la série elle-même est aussi fantastique. Que moi j'ai énormément apprécié, qui est vraiment très, très, très beau. Enfin, une très, très belle série. Je conseille aussi donc, les livres à la croisée des mondes, peut-être pour les plus jeunes. L'attaque des titans ensuite, qui est donc à mon avis le manga de la décennie, l'animé de la décennie plutôt, et dont on attend le dénouement d'ici quelques mois, et qui s'avère être une énorme branlée en perspective. Voilà, si vous voulez vous mettre aux animés, que vous savez pas pour où commencer, parce que Dragon Ball c'est un peu vieux, je vous conseille l'attaque des titans, même si la première saison est un peu longue. Ensuite, True Detective, avec cet excellent générique de la Handsome Family, donc qui est un thriller policier un peu énigmatique, mystérieux, avec des meurtres pas jojo. Ça peut rappeler des films un peu comme le premier Les Rivières Pourpres ou le premier Millennium. Ensuite, Dark, série allemande, absolument incroyable, une espèce de descente aux enfers des habitants d'une petite ville. J'ai pas envie de vous spoiler, alors j'ai pas trop envie de vous en dire, mais regardez au moins la première saison, c'est 10 épisodes je crois, d'une quarantaine de minutes. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Et pour finir, The Expanse, space opéra le plus ambitieux que personnellement j'ai vu ces 15 dernières années. Extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, extrêmement réaliste aussi dans son approche scientifique du futur. Et voilà, ça fait quoi, 45 minutes, 50 minutes je crois qu'on est ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette petite sélection de génériques de séries et de séries. Elles sont toutes vraiment à voir. Et voilà, je vais vous quitter sur ça. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt même. Je vous rappelle qu'on est en train de préparer quelques émissions assez différentes de Non Essentiel, mais que je pense vous plairont, notamment avec Michel Thierry-Brin, qu'on a déjà entendu ici plusieurs fois. Normalement, ça va se concrétiser la semaine prochaine, mais bon, ça je ne peux pas vous le promettre encore. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour Non Essentiel la semaine prochaine. Salut!